la pluie. Ah, quel sale temps! Où est-il l'été? L'été, où est-il? Oh là, mais que vois-je apparaître en regardant à ma fenêtre? Là, cette dame qui vole en voile de nylon et qui tient un bâton tout plein rempli d'étoiles. Si cette dame est flic, l'est au moins générale. Non, mon enfant, je suis la fée. Ah, bonjour, madame la fée. Mon Dieu, qu'il ait bien élevé cet enfant. Je veux le récompenser. Que voudrais-tu? Formule un souhait. Pouvoir de l'exaucer. Vrai? Vrai? Ben, je voudrais qu'on se paie du bon temps. Du bon temps? Du bon temps. Qu'entends-tu par là, mon enfant? Ben, je voudrais avancer l'été. Été. Qu'il fasse avant la Saint-Jambon. Jambon. Qu'il fasse beau dès le 10 juin. Dix juin. Ça serait bien s'il faisait beau d'aimer. C'est beau d'aimer. Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il l'été, ouéti? Où est-il l'été, ouéti? Qu'il fasse chaud des méchouis. Méchouis. Puis qu'il fasse pour des paquebots. Paquebots. Que le soleil tape en marteau. Marteau. Ça serait bien qu'il fasse des livermeaux. Et que cesse enfin cette pluie. Où est-il l'été, ouéti? Où est-il l'été, ouéti? Si de plus un climat chaussette. Ma chaussette. Cette année dès l'automne lié. Tonnelier. Tous les étés les uns aux autres. Ça serait le genre de temps qu'on bénit. Surtout qu'il n'y aurait plus cette pluie. Où est-il l'été? L'été, où est-il? Où est-il l'été? L'été, où est-il? Mon enfant, ne sois pas saltant. Saltant. Ton joli souhait m'a beaucoup plu. Beaucoup plus. Et je vais pouvoir l'exaucer. Saucé. Oui, je peux, oui, ce pouvoir, je l'ai. Abracadabra, c'est ce puits. Soleil d'été resplendit. Oh, miracle, un astre éclatant irradie rose au firmament. Ah, dis donc, elle a fier papa. C'est madame la fée qui a fait ça. Alors, heureux? Oh oui, madame la fée. Charmante enfant. Merci, madame la fée. Et si poli, adieu, mon enfant. Au revoir, madame la fée. Charmant. Hé, le bonjour à monsieur l'a fait. Crétin, tiens. Tiens, là la pluie.